même si certes on slip. L'histoire je te raconte pas, putain, j'ai pas le droit, car à 7h je slip. Ils étaient 15 ou 30, je crois bien, je sais plus. Tout ce que je me rappelle, à vue d'œil, on les comptait plus. Comment ils s'appellent, la secte MGS. Y'a 7 piches, les petits de la tête, voulaient faire comme eux. Y'a plus d'amour, la rage dans mes textes, c'est la zone petit. Son beat, mon flow devient toxique. J'attise les esprits, éloigne les espions. MC, passe ton pion, c'est nous les experts. Ouais. MC, passe ton pion, c'est nous les experts. De la street, des scripts, le script de ma street. Je cite, faire cite, ainsi dans ta cité. Je passe et repasse sous les plans de ma tête. Sous l'instru, je lèche les séquelles, je te saoule comme la tequila. Action exclusive, agressive sur ma street. En 30 ans, l'art, mec, comme des 4-4. Un mec, get, m'a frappé, mes rimes, gars. Mandrigoga, ça se passe sans cesse hardcore, du shit dans le décor. Six bulles, je représente ma clique. Sous la touche, je clique, le déclic c'est en featuring. Le beat part en string, expert est aux aguets. DH, pas le temps de blaguer, je distingue le vrai du faux, même s'il faut soulever l'échafaud. Son ghetto 100% afro, espèce d'affreux. Expert TH, c'est aux aguets, Black Shark. Expert TH pour tout niquer. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Ma vague est bonne, ma porte, casse mes forces. C'est nous les stars, l'expert, j'brille dans ton poster. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Écoute, c'est qui arrive en force dans ta baraque. Hey, j'tors, black, black. J'ai le bon feeling, le bon style pour pas qu'on pécho. C'est bros au mic, j'suis sentinelle comme à Sarajevo et j'en vaux deux. Bouge de là, faut pas qu'on me tricarde. Chasse à l'homme dans le quartier, bros dans la ligne de mire. On peut pas me pécho, car j'ai la tenue adéquate. Tu peux pas me tester, flow 180 watts. J'cours trop vite pour toi, donc j'te laisse de l'avance. Souffle un peu, vas-y on recommence, range-toi. Tu persévères ou tu lasses ta affaire, ça tient qu'à toi. Mais tu reconnais l'empreinte des experts. Le comte de ma rue. C'est les comptes de ma rue, les comptes de ma rue. Les larmes dans les yeux, mon histoire peut plaire à tout le monde. Si c'est le cas, c'est sûr, j'emmerde tout le monde. J'emmène tout ce monde, ce qui me fait, ce qui fait. Bat ton cœur à chaque seconde, chaque seconde. D'écrire ma vie dans l'ombre à chaque seconde, chaque seconde. À seconde, je te compte l'histoire de ma vie en 3 secondes. Écrire la vision que j'ai eue contre ma rue, contre la rue. Je vis le court temps, une nuance marteau. Le seul à prier pourtant, je crie et je cours dans. Le compte m'a dit qu'il prend. On finira pas dans le même panneau. Allô, allô. Depuis le temps, compte ma vision sur notre planète. Focalise depuis. Plus le temps, ce monde est large par erreur. Ce qui loupe la marche, je compte la main par les nerfs. Quand on la street, un jeu de cartes acquis. Attaque les dents, street quand je dis. Notre phaseur à tous, attaque les envieux qui. Contre la street, c'est contre ta rue, contre ta rue, contre ta rue. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Ma vague est bonne, ma force, casse mes forces quand ça se compte. C'est nous les stars, experts, je brille dans ton poster. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Écoute, c'est qui arrive en force dans ta baraque. Hey, j'tors, black, black. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Ma vague est bonne, ma force, casse mes forces. C'est nous les stars, experts, je brille dans ton poster. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Les comptes de la street, c'est de la bombe. Écoute, c'est qui arrive en force dans ta baraque. Hey, j'tors, black, black.